Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Lise Payette, au pays de la radio et de la télévision. La politique, ça n'a pas été une partie reposante de ma vie, mais tout le reste, la radio, la télévision, c'est pas reposant, on sait ce que ça veut dire, mais j'ai tellement aimé ce métier que ça n'a pas été du travail, si vous voulez. Et j'ai le sentiment d'être gâtée par la vie comme ça se peut pas, je le dis souvent. Lise Payette à l'émission « Et quoi encore » en 1992. Si on se souvient de Lise Payette, la politicienne, celle qui a été la première ministre de la condition féminine au Québec dans le gouvernement de René Lévesque à la fin des années 1970 et au début des années 1980, c'est probablement plus encore de l'animatrice à la radio et à la télévision et de l'autrice de téléromans qu'on se souvient davantage. Et c'est de cette femme de radio et de télévision dont on va parler aujourd'hui à l'émission. Un succès peut nous poursuivre aussi comme une défaite à un moment donné, presque au même titre. Vous n'êtes pas, vous, fatigué du succès? Du concerto, non, sûrement pas. De celui-là? Pas. Non. Chaque fois qu'on vous présente, on revient au concerto pour une voix, parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la chose qui vous a marqué. C'est une bonne chose. Finalement, c'est une carte d'identité. C'est cela. Donc, quand on peut dire qu'il est l'auteur du concerto pour une voix, on sait qu'il s'agit de vous. Exact. Ça paraît, ça fait 5 ans, vous êtes mariés, vous ne parlez plus, vous non plus. Hein? Non, mais vous le faites pour moi, alors. Ah bon? Alors, je fais les questions et les réponses. C'est cela. Bon, ben, dans ces conditions-là, merci. S'il ne se produit pas quelque chose pendant une entrevue, c'est que c'est un mauvais intervieweur. C'est simple. Il doit y avoir un moment précis de rencontre. Extrait de la série documentaire « Rappelez-moi Lise », réalisé par Mathieu Beauchamp et diffusé en juillet 2012. Dans cet extrait, vous entendiez Lise Payette commenter ce qui reste la plus courte entrevue de sa carrière, une entrevue qu'elle réalise avec le compositeur français Désiré de Saint-Preux à l'émission « Appelez-moi Lise » en avril 1975. Pour nous parler de l'importance qu'a eue Lise Payette dans l'histoire de notre radio et de notre télévision, je reçois André Lavoie, le critique de cinéma au journal Le Devoir, qui a aussi travaillé à la série documentaire « Rappelez-moi Lise », dont on vient d'entendre un extrait. André Lavoie, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jacques. En quoi Lise Payette, André Lavoie, cette figure-là, en quoi elle a été si importante dans l'histoire de notre radio et de notre télévision? C'est une figure très importante parce que Lise Payette a prouvé que on peut être une femme orchestre sans venir du milieu de la radio, de la télévision, sans avoir fait de longues études. Mais si on est porté par la passion, si on a une grande curiosité, une grande empathie, et si on a une volonté de faire, et si les murs ne nous arrêtent pas, et elle, rien ne l'a arrêté, alors on peut accomplir de grandes choses. Et elle a réussi à s'imposer assez rapidement dans le milieu de la radio et de la télévision au Québec et en France également. Ouais. Et ce qui rend cette carrière si brillante et si importante, c'est qu'elle va, non seulement elle est là, elle anime pendant des années à la radio, à la télévision, mais elle écrit des téléromans, donc il y a la variété de ce qu'elle va toucher, mais il y a aussi l'importance de ce qu'elle va faire. Elle n'anime pas n'importe quelle émission, elle anime des émissions qui vont devenir des classiques. Ces téléromans vont marquer aussi l'histoire des téléromans au Québec. Oui, mais en fait, c'est sa grande polyvalence qui étonne, parce qu'elle n'est pas seulement qu'une intervieweuse. Elle est animatrice, elle va être autrice de téléromans, elle va être productrice, elle va être chroniqueuse, ouais. Elle va être commentatrice. Elle va faire beaucoup, beaucoup de choses et elle sera parfois même en avance sur son temps. Par exemple, en ce qui concerne la production d'émissions dans un contexte de compagnie privée. Et elle va faire preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de polyvalence et de curiosité, je le répète, ouais. Parce que rien ne va l'arrêter. Et si elle ne sait pas quelque chose, comme par exemple l'écriture télévisuelle, bien, elle va s'asseoir, puis elle va l'apprendre, puis elle va accepter les conseils de ceux et de celles qui en savent plus qu'elle. Oui. Pour pouvoir maîtriser tous ces médiums-là. Avant d'être une sacrée autrice de téléromans, donc, elle sera une sacrée intervieweuse. Mm-hmm. Commençons par là, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait de Lise Payette une si grande intervieweuse? Qu'est-ce que c'était pour elle? Je repense à ce qu'on vient d'entendre, cette entrevue de Saint-Preux. Qu'est-ce que c'était pour elle une bonne entrevue? En fait, je vous dirais ce qu'elle m'a dit lors de l'émission « Rappelez-moi Lise ». Elle disait, l'art de l'entrevue, ce n'est pas de poser des questions, mais d'écouter les réponses. Et à partir de là, on trace un chemin, on suit une rivière et on se met à l'écoute de l'invité, de la personne qu'on interviewe, et il y a une rencontre. Ouais. Parfois, ça arrive, parfois, ça n'arrive pas. Mais le plus souvent, avec Lise Payette, ça se produisait, c'était parfois magique. Elle avait une grande écoute, beaucoup, beaucoup de curiosité. Elle avait aussi, évidemment, un brin d'insolence, elle était un peu caustique, elle était très, très, très cultivée aussi, elle lisait beaucoup. Alors, c'est sûr que toutes ces cordes-là, elle les utilisait pour parfois servir le propos de l'invité, mais parfois aussi pour savoir, pour le mettre en boîte. Oui. Vous l'avez un peu évoqué, mais le parcours de Lise Payette, c'est un parcours intéressant, c'est un parcours étonnant, parce qu'au départ, André Lavoie, rien ne la prédestine à cette grande carrière qu'elle aura à la radio et à la télévision. Comment est-ce qu'elle se retrouve dans ce monde des médias? Bien, en fait, au départ, je crois qu'elle ne l'imaginait jamais, surtout jeune, qu'elle puisse accéder à ce monde-là, parce qu'elle vient d'un milieu très modeste. Elle est née en 1931 dans un quartier populaire à Montréal, à Saint-Henri. Son père est une figure assez absente dans sa vie. Sa mère va vraiment encourager sa fille à faire des études, de même que sa grand-mère, Marie-Louise, dont Lise Payette va parler toute sa vie, qui a eu une influence déterminante sur la détermination de Lise Payette. Donc, rien ne la prépare comme telle à accéder à ce monde-là, d'autant plus qu'elle ne pourra pas finir son cours classique parce que son père ne croit pas que les femmes ont besoin de faire de longues études. Oui. Elle ne pourra pas aller à l'université comme elle rêvait. Donc, ça semble presque impossible qu'elle puisse devenir un jour la reine de la télévision. Et pourtant, il y aura beaucoup de moments déterminants, c'est-à-dire une grande curiosité, beaucoup d'implications, des emplois très différents qui vont lui permettre de rencontrer toutes sortes de gens. Mais c'est bien sûr, au départ, et pas seulement, mais ce qui a été très important, c'est sa rencontre avec André Payette, ouais, un homme qui va devenir journaliste, qui va devenir son mari, le père de ses trois enfants. Et lui, au début de leur mariage, va commencer une carrière de journaliste, une carrière qui va l'amener dans différentes régions du Québec. Et Lise va suivre André Payette dans différentes villes, à Trois-Rivières, à Rouyn-Noranda. Et à chaque endroit, même si elle est déjà mère de famille, elle va s'impliquer dans des stations de radio, elle va s'impliquer dans un syndicat, elle va apprendre le métier de journaliste et elle va devenir, avant même qu'on puisse dire cette expression-là, elle va même devenir journaliste indépendante parce qu'elle va toujours travailler un peu comme en freelance à chaque endroit où elle va vivre. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'elle va apprendre son métier jusqu'à ce qu'elle déménage en France, toujours en suivant son mari, qui va devenir correspondant pour Radio-Canada à Paris. En 58. En 58. Et là, bien, c'est sûr que va s'ouvrir un premier grand chapitre de la carrière radio-télé de Lise Payette. Parce qu'elle va animer, co-animer en fait, une émission qui s'appelle Interdit aux hommes, c'est ça? Oui, une émission qui va lui donner l'occasion, écoutez, nous sommes en France, à la fin des années 50, il y a un immense bouillonnement culturel, et Lise Payette va commencer à faire des entrevues avec les plus grandes figures culturelles de l'époque à Paris. Alors écoutez, elle a devant elle des gens exceptionnels de tous les milieux, de la musique, de la littérature, de la chanson, du cinéma. Alors, les gens qu'elle va rencontrer plus tard dans le cadre de sa grande émission Appelez-moi Lise, souvent elle les a déjà rencontrés lors de ses premières expériences parisiennes, et elle va multiplier les entrevues, et c'est là, à mon avis, qu'elle va développer de manière décisive, déterminante, sa grande capacité à mener des entrevues avec des gens qui, en majorité, sont des figures établies, parfois très imposants, et elle va devoir prendre sa place, trouver ses marques, savoir s'imposer, et ça sera pour elle une grande école. Interdit aux hommes, j'insiste, parce que c'est pas qu'anecdotique, Interdit aux hommes, cette émission qu'elle anime à Paris, elle revient à Montréal, place aux femmes, on voit bien la parenté, et c'est pas qu'anecdotique, ça nous dit quoi? Place aux femmes, c'est une émission qui va être importante pour elle, mais pour dans l'histoire de Radio-Canada, aussi de la radio de Radio-Canada. Ça sera très important pour plusieurs raisons, parce que ça va annoncer ce qu'elle va faire plus tard. D'abord, ça installe ses préoccupations féministes qui seront là toute sa vie. Et ça se fera aussi, cette émission-là, dans un cadre qui va être très confortable pour elle. Peut-être pas au départ, mais par la suite. Je m'explique. C'est une émission quotidienne, faite devant public, qui laisse place à l'improvisation, à l'imprévu. Et en plus, elle a un co-animateur, Guy Provost, et plus tard, va, Jacques Fautu va se joindre à l'équipe. Alors, elle apprend non seulement à mener des entrevues, mais à les mener dans un contexte où tout peut se produire. Ouais. Les réactions du public, les réactions de Guy Provost qui sont parfois étonnantes, les invités qui sont parfois un peu inconfortables. Mais cette émission-là, qui va durer plusieurs années, va être un véritable happening et va lui permettre, dans le fond, à Lise Payette, de développer une grande confiance en elle dans un contexte où c'est quand même pas simple de faire une entrevue. Ouais. C'est pas un cadre feutré, c'est pas un milieu contrôlé. Alors, lorsqu'elle arrivera avec ses grandes émissions télévisées, les émissions de variété, elle sera capable de les mener dans des contextes où l'imprévu est toujours possible. Ouais. Et parce elle aime ce côté performance, et ce sera effectivement son aquarium, ses émissions faites devant public, elle aime ça, J'oserais même dire sa cour de récréation. Oui, exact. En 72, donc, dans cette continuité qu'elle amorce avec Place aux femmes, à la télé arrive ce qui reste sa grande émission comme animatrice, l'émission Appelez-moi Lise. Il n'y a qu'un seul secret, à mon avis, c'est la curiosité. Et Appelez-moi Lise, bien sûr, il y a une sorte de performance. Il faut à la fois faire rire, faire sourire. Mais dès qu'on rencontre, je dirais presque un individu, n'importe lequel, on n'a qu'un seul devoir, c'est d'être assez curieux pour lui faire raconter ce qu'il a raconté. Dis donc, Pauline, on aurait perdu une sacrée chanteuse si vous étiez devenue parachutiste, hein? Je sais pas, ça aurait peut-être été une sacrée parachutiste. Oui, ça aurait pas eu le même effet sur une scène. Non, c'est vrai. Non. Mais en fait, c'est une grande scène, le ciel, tu vois, je serais peut-être restée en haut, accrochée. Ça a été un succès, Paris. Ça a commencé doucement, Pauline, les premiers jours. Hein? C'est-à-dire que c'est une salle de 1200 places. Oui. Et le premier soir a été, bon, très, très bon. Et puis après ça, avant que les critiques sortent, c'est-à-dire deux ou trois jours, bon, ben, ça s'est rempli à 500, 600. Oui. Mais comme, bon, tant mieux. Parce que vous faites une carrière qui, en France, là, je parle pas d'ici du tout, mais qui prend un petit peu plus de temps, mais qui s'installe drôlement. C'est le lot de gens, je pense à Gilles Vigneault, c'est un peu comme moi. Robert aussi, au fond, il est allé plusieurs fois. Robert Charlebois, je veux dire, il y a peut-être des gens, je pense à Diane, qui a eu un très gros succès avec L'homme de ma vie sur disque. Mais, enfin, ça c'est un peu différent. Elle a vendu beaucoup, beaucoup. Mais après ça, ben, il y a la carrière de la scène qui est différente, c'est plus lent. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est la continuité. La chanteuse Pauline Julien de passage à l'émission Appelez-moi Lise en 1974. Et juste avant, vous entendiez Lise Payette à l'émission Les refrains d'abord en mai 2000. Entre 1972 et 1975, Lise Payette anime donc cette émission Appelez-moi Lise qui va être un énorme succès, André Lavoie. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique le succès de cette émission-là? En fait, là, je citerai Jean Bissonnette, qui est le grand Manitou de la variété au Québec et de l'humour et de la télévision, qui a été un des premiers à créer Appelez-moi Lise avec Lise Payette. Et lorsqu'il a fait un test, a regardé le moniteur, a regardé Lise Payette travailler, il a dit « Il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui ne l'ont pas, Lise Payette, elle l'a. Ouais. » Alors, c'est une présence, elle est télégénique, elle a de l'humour, elle a de l'esprit, et tout ça illuminait ce concept-là. Elle a su, Jean Bissonnette aussi, bien s'entourer, entre autres avec François Gosineau à la direction musicale. Il y avait des recherchistes hors pair, entre autres André Ruffian chez Francine Grimaldi qui était là. Et Appelez-moi Lise, c'est devenu encore là un happening. Écoutez, à tous les soirs, il y avait à peu près 1 million de personnes qui se couchaient tard pour écouter Appelez-moi Lise. Ouais. Elle recevait les plus grands. Parce que c'était diffusé à quoi, 23 heures? 23 heures. Ouais. Et aussi, en fait, à l'époque où je travaillais sur Appelez-moi Lise, j'étais étonné de voir qu'il y avait autant de gens qui se couchaient aussi tard pour écouter cette émission-là. Mais ce que j'ai lu, ce que les sociologues ont réussi à comprendre, c'est que, une raison très simple, le travailleur québécois moyen est à 20 minutes de distance entre sa maison et son travail, contrairement à aujourd'hui. Alors, se coucher tard à cette époque-là, c'est un peu plus problématique qu'aujourd'hui en termes de transport, en termes de quand est-ce qu'on quand on se lève le matin pour aller travailler. Donc, il y avait ça aussi, mais c'était surtout le fait que c'était une émission formidable avec toutes sortes d'invités très, très, très, très variés. La palette était extrêmement diversifiée. Et il y avait aussi des stunts, des moments surprises, des choses absolument inusitées. Lise Payette qui garde le, qui fait le gardien de but pour le Canadien. Ouais. Lise Payette qui déterre une statue de Duplessis qui est cachée quelque part dans le Parlement de Québec. Tous ces petits événements-là, ces petits moments-là, ça créait une sorte de magie autour de l'émission. Ouais. Et ce côté-là, le côté un peu fantaisiste, vous parlez d'humour, mais son côté taquin carrément, ça va donner certains segments qui vont passer à l'histoire. Je pense au concours du plus bel homme du Canada, qu'elle va récupérer à Appelez-moi Lise, mais qui commence avant, en fait, qui commence même à l'émission Place aux femmes. Nous avons réussi encore cette année. Nous avons réussi à vous intéresser, mesdames, à ce concours des 10 plus beaux hommes du Canada, dont nous ne saurions plus nous passer, je crois. Pour votre information, nous avons reçu au-delà de 43 000 lettres cette année à Place aux femmes concernant le concours des 10 plus beaux hommes du Canada. Nous avons eu 432 mises en nomination, parmi lesquelles il y avait bien sûr des politiciens, des personnalités de tous les milieux, autant chez les médecins que chez les avocats, autant de la province de Québec d'ailleurs que du reste du pays. Le grand moment est arrivé. Voici le plus bel homme du Canada, 1970, Guy Provost. Extrait du grand gala du concours du plus bel homme du Canada diffusé à la radio en émission Place aux femmes en décembre 1970. Ce gala du plus bel homme du Canada, elle va l'amener avec elle à la télé, à l'émission Appelez-moi Lise, André Lavoie, puis ça a marqué l'histoire de notre télévision. Mais c'est là encore une fois, c'est plus qu'anecdotique. Il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Qu'est-ce que ça nous dit, cette idée-là? Ce pied de nez, au fond, mais je vous laisse nous en parler, mais qu'est-ce que ça nous dit sur Lise Payette, sur ce qu'elle faisait à une émission comme Appelez-moi Lise? Je pense qu'elle faisait du militantisme féministe joyeux et ironique. Ouais. C'était ça, dans le fond, le gala du premier. Et c'était aussi une façon de dire aux hommes, écoutez, vous ne cessez d'objectiver le corps des femmes, alors nous, on va faire la même chose. Et il faut lire sa biographie, il faut l'entendre en entrevue, raconter à quel point les hommes en nomination étaient terrorisés à l'idée de se pointer dans ce gala et combien les conjointes, les épouses des personnes qui étaient en nomination étaient fâchées, furieuses contre Lise Payette parce qu'elles croyaient, dans le fond, qu'on ridiculisait leurs conjoints. C'est vrai qu'on les ridiculisait un peu, mais tout ça était taquin, bon enfant. Et il y a plusieurs hommes en nomination qui se sont bien servis de ce gala pour le tourner à leur avantage et pour faire, en le fond, un peu leur promotion. Je pense, entre autres, à Jacques Boulanger, qui a été un maître là-dedans. Bon, il était un peu cabotin et sa présence a un peu marqué les esprits. Et à côté de ça, il y en a d'autres, comme Léo Lilial, qui, s'il avait pu être en dessous de la scène et se réfugier dans les coulisses pour ne pas aller chercher son prix, il l'aurait fait. Il était terrorisé. Ouais. Après Appelez-moi Lise, donc, il y aura une autre émission, Lise Libre, et puis cette parenthèse politique. On n'y reviendra pas parce qu'on a déjà consacré une émission à la politicienne Lise Payette, mais qui sera donc, je le disais au tout début de l'émission, ministre dans le gouvernement de René Lévesque, élu député du Parti québécois en 1976. Et puis, après cette parenthèse politique, une nouvelle page s'ouvre pour elle, celle de l'écriture comme autrice de téléromans. Je suis allée voir le médecin cet après-midi. Pourquoi? T'es malade? Oui, je suis malade. Et c'est ta faute. Bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai jamais eu aussi honte de ma vie, à mon âge. Ben voyons, tu sais. Je sais pas avec qui tu traînes de ce temps-ci, mais c'est certainement pas quelqu'un de recommandable. Je crois que le téléroman a été un moyen extraordinaire de faire prendre conscience aux femmes qu'il fallait qu'elles prennent des décisions pour elles dans la vie. Qu'elles pouvaient pas se dire à 20 ans, je me marie, puis ma vie est faite, j'ai plus rien après. Je dépends de quelqu'un d'autre. On ne dépend jamais de quelqu'un d'autre. Les hommes ont compris mieux qu'il y avait autre chose dans la vie en termes de relations entre les hommes et les femmes et qu'ils seraient bien plus heureux s'ils participaient davantage à ce qu'ils appellent leur famille en faisant quelque chose et pas juste aller travailler pour gagner de l'argent. Qu'on peut faire les deux aussi. Ça, c'est pour toi. Les instructions sont dessus. Et ça, c'est pour l'autre. Puis ça, c'est pour moi. Tu y remettras? C'est un service à rendre à tout le monde. À elle, la première, et aux autres, éventuellement. Non, mais Lucie, c'est quoi, ça? Cesse de faire l'innocente, très bien compris. Celle-là, Jean-Paul, est difficile à avaler. Extrait du populaire téléroman des Dames de cœur et du documentaire Un peu plus haut, un peu plus loin, réalisé en 2014 par Jean-Claude Laure et Flavie Payette-Renouf. Comment Lise Payette en vient-elle à l'écriture de téléromans, André Lavoie, et quel impact auront ces téléromans sur le public québécois? En fait, au départ, lorsqu'elle quitte la politique, elle ne sait pas quoi faire, mais elle se souvient d'une chose, c'est qu'à l'époque où elle animait Appelez-moi Lise, elle se rendait compte que les soirs où il y avait des téléromans, ses codes d'écoute étaient meilleurs. Comme elle a toujours ses préoccupations féministes et elle cherche à rejoindre le public et elle sait qu'elle ne peut plus le faire comme animatrice, elle se lance dans l'écriture du téléroman et elle raconte en entrevue que lorsqu'elle présente son projet de téléroman à Radio-Canada, Radio-Canada lui dit, la direction dit à Lise Payette, écoutez, on a déjà Solange Chaput-Roland qui écrit un téléroman et qui est associé au fédéralisme, alors ça sera moins gênant pour nous d'avoir une souverainiste comme vous pour écrire un autre téléroman. Donc, elle va écrire La Bonne Aventure, des Dames de cœur, plusieurs téléromans, et à travers l'écriture téléromanesque, va continuer à parler aux femmes, va continuer à faire la promotion du combat des femmes, de l'importance que les femmes ont dans la société, et elle va le faire comme elle le faisait avant en politique et comme animatrice, mais là, de manière un petit peu plus discrète derrière ses personnages. Ouais. Et puis, dans les années... Donc, il y aura cette phase téléroman. Dans les années 90, elle fonde une boîte de production, Point de mire, qui fera entre autres du documentaire. Et puis, elle s'éloigne petit à petit de la télé. L'année 2000, un petit mot là-dessus, sur ces dernières années. Médiatiquement, c'est plus une présence dans les journaux. Quelques déboires dont certains auditeurs vont se rappeler. Que dire de ces dernières années-là, André Lavoie? Bien, en fait, elle a eu une carrière extrêmement bien remplie. Elle a fait toutes sortes de choses. Elle a terminé sa carrière comme chroniqueuse, d'abord au Journal de Montréal et ensuite au Devoir. Et c'est sûr qu'à la fin, bon, elle aura, vis-à-vis certaines personnes, des conseils mal avisés, vis-à-vis d'autres, des défenses peut-être un petit peu plus laborieuses par rapport à certains de ses amis. Bon, je pense entre autres au cinéaste Claude Jutras. Ouais. Et à la fin, devant toutes les controverses, et c'est pas les premières controverses qu'elle va susciter dans sa vie, dans sa carrière, mais là, étant assez âgée, malade, je pense qu'à un certain moment, elle s'est dit, bon, ouais. Là, j'ai mené plusieurs combats, j'ai reçu plusieurs coups, et elle a volontairement décidé de se retirer de la vie publique, mais elle l'a fait à un moment où elle pouvait dire « mission accomplie », parce que ouais. Pour une autodidacte, elle a fait énormément de choses. C'est une femme orchestre, c'est une femme brillante, passionnée. Et donc, l'ensemble du bilan, l'ensemble de l'œuvre est remarquable. André Lavoie, critique de cinéma au Journal Le Devoir, qui a collaboré, je vous le rappelle, à cette série radiophonique Rappelez-moi Lise. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.